Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sur l'antenne du 94 MHz. Ça, c'est pour le direct le lundi à partir de 21h30 et aussi à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou de vos outils de podcast préférés. On va commencer par un duo qui va être assez raccord avec l'émission de la semaine dernière qui était consacrée entièrement au Tapet Fest qui aura lieu ce week-end les 24 et 25 juin à Campagnac dans le 56. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'émission en compagnie du boss du Tapet Fest. Et nous avions passé le projet Sourdure qui jouera le samedi soir. Et Sourdure, c'est monsieur Ernest Berguez qui fait partie de Comwald, qui a aussi un disque qui sort avec ce projet qui est plutôt un projet de trance hippie à la sauce Opéra Mort, dans lequel il officie aux côtés de Clément Vercelletto. Deuxième disque en date qu'ils sortent tous les deux après Antassive, qui était sorti chez Opal Tapes il y a de ça 2 ans, et donc il récidive en ce mois de juin, je crois que ça sort fin juin, sur Opal Tapes également en vinyle, le Rapa Nui Clan. Alors je suppose que monsieur Berguez aura ça dans le merchandising du Tapet. En attendant, on va écouter le titre Hippolyte, extrait de ce Rapa Nui Clan. Alors je sais pas pour vous, mais Hippolyte, moi ça me fait penser à un nom de chat. We'll be right back.

Séquence, on pourrait dire, d'exotica à la sauce Stephen Stapleton pour démarrer l'asile de cette semaine, avec tout d'abord le deuxième album de Comwald qui vient tout juste de paraître sous le titre Rapa Nui Clan, ou plus exactement qui va sortir dans quelques jours. Ça va être disponible d'ici peu. Ils ont mis quelques titres en ligne via leur Bandcamp ou leur Soundcloud. Ça sort chez Opal Tapes, Comwald qui n'avait rien sorti depuis le split qui était paru il y a de ça quelques mois sur In Paradisum. Voilà, deuxième album long pour Comwald, assez prometteur. Et histoire de vous rappeler aussi que vous pouvez retrouver la moitié de Comwald au Tapet Fest numéro 9. Ce sera ce vendredi 24 juin à Campaneac dans le 56, voilà, du côté du Val sans retour. Et donc festival, gros festival sur deux soirées avec à peu près 20 à 22 projets, peut-être, je sais pas, enfin quelque chose comme ça à suivre si on compte les DJ, donc de 19h le premier jour à 3h du matin et 15h à 3h du matin pour le samedi 25. Plus d'informations sur tapetfest.com. Et on a enchaîné avec le nouvel album de Larsen, le combo de Turin qui existe depuis une bonne vingtaine d'années. Alors ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti de disque, je crois que ça fait à peu près 4-5 ans qu'ils n'avaient rien fait paraître, ces Italiens qui ont une production assez étonnante depuis donc une vingtaine d'années, notamment sur des disques parus chez Young Gods Records, et depuis le début des années 2000 c'est Important Records qui s'y colle avec pas mal de collaborations, notamment aux côtés de Nurse With Wound ou encore de Zev. Il y avait aussi un projet de son membre Fabrizio Mondonese Palumbo en compagnie de Xuxu ou Chouchou, le projet californien, ça s'appelait XXL, mais en ce qui concerne leur propre musique, rien depuis pas mal de temps, et c'est bien dommage. Une musique toujours dans des obédiences un peu musique nouvelle, matinée de post-rock, on pourrait dire, pour faire simple, et c'est plutôt pas mal. La musique de Larsen, celui-ci ne déroge pas à la règle, il vient tout juste de sortir également chez Important Records sous l'intitulé Off Grog Vim. Voilà donc une musique qui n'est pas forcément la musique la plus simple à passer sur une antenne radio, mais un disque à écouter de Larsen, Off Grog Vim. Voilà, on va continuer avec une bassiste chanteuse que je vous passe depuis quasiment les débuts de l'émission, puisqu'elle a commencé à faire paraître des disques sous son nom à peu près au début des années 2000. Il s'agit de Samara Lubelski, qu'on connaît notamment pour pas mal de projets dans lesquels elle collabore, notamment le fameux Chelsea Light Moving, le nouveau projet depuis quelques années de Thurston Moore, aux côtés notamment de John Molonais de Sunburn Hand of the Man. Et Miss Lubelski produit aussi pas mal de choses dans un registre un peu noise expérimental, notamment aux côtés de Marcia Bassett, des Double Leopards et autres Ototo Jizou, et de temps à autre elle fait paraître des disques d'obédience folk rock assez chatoyants à mes oreilles. J'avais commencé à l'écouter avec ses productions sur The Social Registry vers 2004-2005, notamment The Fleeting Sky et Spectacular Off Passages, qui étaient vraiment très très bons, et elle revient avec un tout nouveau disque sous le titre The Jaded Red. Ça sort sur Drawing Room et je propose d'enchaîner avec ce nouvel album de Samara Lubelski, Rolling Out, Rolling Right. So how could you? De titres enchaînés dans l'Asie le plus sûr qui fleurait bon le psychédélisme des Bayous. On a démarré avec Samara Lubelski et son tout nouvel album The Jetted Red. Elle qui a dû beaucoup trop écouter le Chelsea Girls de Nico, vu la musique qu'elle produit sous son propre nom. Quand elle fait des choses avec d'autres, c'est nettement plus dans le free rock ou la noise expérimentale. Et donc c'est son sixième ou septième album long en date. Ces derniers temps, elle avait un petit peu moins fait paraître de disques. C'était surtout dans la première moitié des années 2000 qu'elle produisait des choses de cet acabit. Album plutôt pas mal. Je préfère un tantinet ce qu'elle sortait il y a de ça une dizaine d'années. En tout cas, une musicienne que je suis de manière régulière. Et on a enchaîné avec le 75 Dollar Bill, le retour du fameux duo new-yorkais. Je crois qu'ils sont New-Yorkais, Chechen Eric Brown, guitariste tchétchène, originaire du Connecticut. Eric Brown, qui lui a une carrière déjà assez longue à son actif, puisqu'on a pu l'entendre notamment dans pas mal de projets depuis les années 90 dans le domaine du rock un peu libre, notamment aux côtés de Sue Gardner, dans Fish and Roses, également dans Peach Cobbler, Renown, les batteries aux côtés de Guigou Chenevier, j'en passe, et des meilleurs. Et donc Rick Brown se retrouve dans ce projet aux côtés d'un jeune guitariste avec lequel il a correspondu longtemps par internet avant de franchir le pas pour donc un duo qui fait pas mal penser à une sorte de trance du Sahara, matinée d'influence folk américaine. Ça fait penser à la musique trad mauritanienne, le 75 Dollar Bill, et c'est leur deuxième disque en date qui sort sur le label américain Scenerist Recordings sous le titre Wood Metal Plastic Pattern Rhythm and Rock. Le précédent s'intitulait Wooden Bag et il était constitué de longues pièces de trance. Celui-ci ne déroge pas la règle. Deux très longues pièces et deux morceaux plus courts pour ce nouvel album de 75 Dollar Bill, qui a aussi sorti quelques cassettes et un EP, je crois, disponible à petit tirage. Voilà pour les 75 Dollar Bill et leur nouvel opus. Et on a terminé avec un extrait de la compilation Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde. Une sélection non pas pour faire concurrence à nos camarades de l'émission Folklore Futur, mais une compilation qui nous a un peu tapé dans l'oreille du fameux label de Hambourg, ou non, de Francfort, Analog Africa, qu'on suit aussi assez régulièrement, qui ont sorti quantité de musique de trance et de musique africaine assez fantasmatique, notamment l'orchestre Polyrythmo d'Ecotonou, pas mal de compilations autour du son de l'afrobeat, on pourrait dire, d'Angola des années 70. Donc quantité de compilations de 45 tours égarés, et cette compilation ne déroge pas à la règle. Alors cette fois-ci, donc, c'est consacré à cette musique un peu psychédélique du Cap-Vert des années 70 et aussi du début des années 80. Alors tout n'est pas aussi bon sur ce Space Echo, mais il y a des titres plutôt assez étonnants, comme celui qu'on entendait de monsieur Antonio Sanchez. Voilà, et donc pour la petite histoire, le patron du label raconte que le penchant pour les Rhodes, Moog, Farfisa et Org, Hammond ou Korg viendrait d'un navire qui aurait amené ces différents instruments pour l'exposition mondiale de Rio en 1968. Voilà, qui donc aurait après servi à diffuser dans les écoles, ça aurait servi de matériel pédagogique. Enfin, on ne sait pas trop si on doit, croire à cette légende. En tout cas, une musique plutôt soul, plutôt psyché au Cap-Vert, ce Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde. Voilà, on va continuer avec tout autre chose, une musique des terroirs français, mais dans un registre un peu dronesque expérimental, et un tout nouveau combo qui répond au nom de L'Athènes, qui est la réunion entre le violiste à roue d'origine nantaise, si je ne m'abuse, Alexis de Grenier, en compagnie de deux Suisses de Genève, Cyril Bondy et son camarade d'Incise. Voilà, donc toute musiciens qu'on connaît notamment dans le projet Diatribe depuis pas mal d'années, et puis pas mal de choses expérimentales et improvisées par messieurs Cyril Bondy et d'Incise, qui sont rejoints donc par Alexis Decrenier pour une musique qui fait pas mal penser à celle de Tanz Mein Herz par exemple, France et autres trans des terroirs hexagonaux. L'album sort sur 3-4 Records, qui est l'excellente étiquette d'origine suisse qu'on vous a aussi passé dans l'asile le plus sûr, avec pas mal de choses. 3-4 Records, tout en lettres, voilà, avec un 2 points entre les 3 et les 4. On vous avait passé notamment le David de Marana et Elena Ebsvo, le Sombras Incien Diadas, qui était encore un genre de drone assez charpenté. C'est une musique qui fait pas mal penser aussi à celle de Faust et de Tony Conrad, que je propose d'écouter tout de suite. On va écouter donc un extrait de ce Fuerca Fai, la danse de Fuerca, par cette formation latine. oui, c'est le grand retour des disques de bourrée hypnotique ces derniers mois, notamment avec les projets Toad, Tons Mein Herz, les disques standards In Hi-Fi et autres projets de Yann Gourdon. Là, il s'agissait de La Tène, qui est un tout nouvel album qui vient de paraître, donc de trance, on va dire médiévale, qui sort chez 3-4 Records et qui est la réunion entre le violiste Alexis Degrenier, qui est nantais, qui s'occupe, je crois, du label Drone, Sweet Drone, et qui est aussi quelqu'un qui officie dans un projet en hommage à Moondog, beaucoup de cordes à son arc, si on peut appeler ça un arc, monsieur Degrenier, qui est en compagnie des gens de Diatribe, à savoir le percussionniste Cyril Bondy et d'Incise, pour les ambiances électroniques un peu tournoyantes également, comme la vielle. Voilà donc pour La Tène et ce disque Fuerca Fai. Je ne sais pas du tout ce que veut dire ce sabir. Deux pièces de 20 minutes très très charpentées, publiées donc par l'excellent label 3-4 Records, dont on vous parle assez abondamment dans cette même émission. Et on va continuer avec un musicien d'origine polonaise, compositeur électroacoustique qu'on vous a pas mal programmé aussi dans ce même programme, qui répond au nom de Derek Piotr et qui est basé aux États-Unis. On vous en parle beaucoup parce qu'il est très très prometteur. Il a à peu près 25 ans, il a déjà sorti 3-4 disques très très bons, notamment par exemple Tampa Tampat, qui était sorti chez Monotype, qui était une revisite des musiques indonésiennes à la sauce électronique. Il a été notamment nominé pour les prix Ars Electronica et il a collaboré aux côtés de Scanner et de Richard Chartier. D'ailleurs, c'est ce même Richard Chartier qui publie son tout nouvel album sous le titre Drono. Alors, j'imagine que c'est un disque en hommage au drone. Ça sort en CD et en digital. Et puis, il y a quelques invités assez prestigieux sur ce nouveau disque de Derek Piotr, notamment AGF, Anti-Grail Ripati, avec laquelle il avait déjà collaboré par le passé. Et c'est vrai qu'il utilise assez souvent sa voix glitchée dans des ambiances électroacoustiques très surprenantes et fort réussies, du moins à mes oreilles. Et là, je propose d'écouter le titre qui démarre ce tout nouvel album de Derek Piotr. L'album s'intitule Drono et le titre tout bonnement Sound. Thank you. Jalousie, goris et rimas raras. Queria me mires e quereras as que o que diz dera se houvera. Os feros eros serenos, querelas belas. Arrepiadas, chorar com olho e rir com outro. Que vá que elire, que vá que elire, que vá que elire, que vá que elire. Queria esperas e não demoras, se o leste escuro sou seguro. Queria guerra, caça e amores, e por um prazer sem dores. Que o que desdera se houver aquele entre tribos e risos, feros, velhos, serenos, querelas, belas, relas e peles arrepiadas, chorar com um olho e rir com outro, queria menires e quereras, que o que desdera se reouvera. Une nouvelle triplette de titres enchaînés dans l'asile le plus sûr sur Antenne 94 MHz. Pour varier les plaisirs, on a démarré avec Derek Piotr et un extrait de son Drono sorti chez Line, enchaîné avec l'Australien de Melbourne, Kenny Keen, qu'on vous a déjà proposé il y a de ça quelques semaines au sein de son duo solo Andata, qui vient de sortir aussi un disque chez 12K sous le titre In The Lens. Et Kenny Keen est très très occupé puisqu'il a sorti aussi un disque long en parallèle sous le titre Modern Pressure chez Type, et celui qu'on écoutait au milieu de la séquence, qui était une musique un peu rythmée urbaine, s'intitule Basalt Crush. C'est un maxi sorti sur un label parisien totalement inconnu au bataillon, qui répond au nom de Latency Records. Voilà pour Kenny Keen de Solo Andata. Et on a terminé avec le grand retour de Telebossa, le duo berlinois de bossa électronique contemporaine, et leur deuxième disque en date sous le titre Garage Jam Aurora. Le premier était un disque éponyme qui était déjà sorti sur le label Stop Gold du journaliste et musicien Marcus Detmers, délocalisé à Perpignan depuis quelques années, qui a une production toujours aussi grandiose. Disque assez fantastique que ce Garage Jam Aurora de Telebossa, un disque dans lequel Chico Melo, le Brésilien de la bande, qui fit partie de l'orchestre des cordes excitées, le fameux projet de musique, on va dire, contemporaine, minimaliste, mené par le compositeur Arnold Dreblatt. Et donc Chico Melo est aux côtés d'un musicien qui, lui, est davantage électro-acousticien, Nicolas Bussmann. Ils sont tous les deux basés à Berlin et ils produisent une musique qui revisite la bossa façon Caetano Veloso et João Gilberto dans un registre contemporain. Celui-ci ne déroge pas à la règle, et puis pas mal de participants aussi à cet album et pas des moindres, notamment Van Dyck Parks, qui a fait des arrangements pour le moins somptueux pour ce nouvel album de Telebossa qui est réussi de bout en bout. Un clavier piano assez fantastique, et des mélanges un peu comme ce qu'on vient d'entendre, qui faisait presque penser à certaines ambiances du post Rock in Opposition. Voilà, on va continuer avec un contrebassiste qui est franco-allemand, qui vit aux États-Unis et qui répond au nom de Pascal Nickenkemper. On vous a passé sa musique dans pas mal de projets depuis quelques années, notamment il joue dans à peu près tout ce qui bouge dans le domaine du jazz contemporain, et il vit à Brooklyn et il vient de sortir un tout nouvel album sur Clean Feed, label portugais sur lequel il s'était déjà illustré. Disque qui répond au nom du 7e continent, une musique inspirée par des documentaires autour des pollutions océaniques que vous imaginez bien. Et Pascal Nickenkemper joue de la sub-contrebasse aux côtés notamment des clarinettistes Joachim Badenhorst et Joris Rühl, et des pianistes Philippe Zoubek et autres Eve Risser au piano préparé. L'album s'intitule donc Le 7e continent, sous-titré Talking Trash, et la musique est tout aussi surprenante que celle de Telebossa. On écoute le titre qui démarre, Great Pacific Garbage, par Pascal Nickenkemper. Thank you. petit décrassage en règle dans l'asile le plus sûr des Cajamiel. On a démarré avec le concept album du contrebassiste Pascal Nickenkemper, qui n'est pas quimpérois, mais qui a produit un disque fort intéressant sous le titre Le 7e Continent Talking Trash, sorti chez Clean Feed. C'est assez peu fréquent que Clean Feed produit des disques qui sont autre chose que du jazz contemporain en live, pour être signalé. Donc un disque très intéressant à décortiquer de Pascal Nickenkemper, avec des recherches sonores assez incroyables. Et on a enchaîné la musique de ce 7e continent avec l'album Risk, qui est le grand retour de Full Blast, le projet qui réunit Peter Brotzmann aux côtés de la section rythmique suisse Marino Pliakas et Michael Wertmüller. Alors je ne sais pas à combien d'albums ils en sont tous les trois, 4 ou 5. Celui-ci est assez inhabituel puisqu'on y retrouve des retraitements électroniques par Michael Wertmüller en compagnie de Gert Richeux, qui est un électroacousticien qui est décédé à la fin de l'année 2015. Et puis l'album a été aussi masterisé, mixé et masterisé par Gareth Jones, qui travaille aux côtés d'Anne Sturzenbotten et autres Depeche Mode. Donc ça donne un disque assez étonnant de free mutant, sorti comme de juste par l'étiquette Trust Records, ce nouvel album de Full Blast. Voilà, demain c'est le 21 juin et pour ne pas fêter la musique, je vous propose un concert à ne pas manquer à la MG, la Maison de la Grève à Rennes. Concert de Richard Antez et ses percussions environnées et tournoyantes, et Thomas Gouban qui sera aussi de la partie et qui joue sur dispositif de pierre par exemple et autres percussions. Alors je ne sais pas s'ils se produiront séparément et également en duo. En tout cas, une soirée de musiques improvisées et recherches sonores à ne manquer sous aucun prétexte à Rennes cette semaine. Et donc ce sera à la Maison de la Grève, en face du bar Le Delta. Vous demandez au bar Le Delta et vous trouverez, voilà, donc ça, il y a une entrée en prix libre pour cette soirée qui réunira Thomas Gouban et l'incroyable Richard Antez. On se quitte avec un dernier titre qui réunit des monstres sacrés des musiques jazz contemporaines et des musiques libres, à savoir Pauline Oliveros, Roscoe Mitchell, ex Art Ensemble of Chicago, John Tilbury de AMM et Wadada Leo Smith, le trompettiste de la ACM. Et tous les quatre, ils ont fait une performance live du Feu de Dieu au festival italien Angelica en mai 2011 au Teatro San Leonardo, performance qui vient tout juste de paraître sous le titre Nessuno, sorti sur étiquette Angelica, ou plus exactement Idishi di Angelica. On aura le temps d'en écouter qu'un court extrait, mais vous écouterez une version beaucoup plus longue pour ceux qui écoutent à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you. Thank you. Chevrolet. só domino o cimento.